Exercice 6, page 44. A. J'ai décrit. Je décris. B. J'ai maigri. Je maigris. C. J'ai guéri. Je guéris. D. Elle s'est réveillée. Elle se réveille. E. Elle s'est dépêchée. Elle se dépêche. F. Elle s'est répétée. Elle se répète.